divinité, on est là sur la place. C'est péché, un désert, on est là sur la place. On est là sur la place. C'est péché, un désert, on est là sur la place. On est là sur la place. C'est péché, un désert, on est là sur la place. Vas-y viens et dis-moi si t'es chaud. Si tu joues on a été dragué et pécho. On y va, méchant sur un son de funky. Je déballe mes lyrics, maintenant c'est parti. Ok mon pote, vas-y chop si t'es cap. Les fesses qui la fusion du funk et du rap. Il est l'heure d'aller danser. Bouge ton boule au milieu de la foule. Y'en a qui te mate et te siffle. Tu assures, tu déchires et tu kiffes. T'es le boss de la danse et tu comptes tes pas. Malchance, non ça y'en a pas. Déjà 9h j'ai envie de m'étaler. Mais non, y'en a une qui vient m'emballer. Ouah, pour encore tenir. Elle va mal le prendre si elle me voit partir. Can you remember the times we've spent together? Quand le rap se fusionne au funky, voilà ce que ça donne. J'ai un cerf touché, cette putain de souci folle. Sous ce style, certains se touchent et les os suivants. Pas de fuck, encore un putain sommeur. T'as joué, allume ta clope ou épate de Death Floor. Fidèle à mon compère, ce soir on marque les esprits. Pour paraître une vache, ouais, faire taper des sprints. Tout mon son brille, comme ce qu'on trouve dans nos joints. Si tu jouais avec la platine, ce sera pour des darons, des gamins. Arrachage de sac à main, n'oublie ça pour ça. Face à deux galériens qui grattent par passion et déboire. Des arts, des devoirs, avec ou sans diplôme, y'a pas ta. Notre génération veut y croire sans prendre de tard. T'es catin, c'est. Tu bouges bien les seuls. Vas-y, te faire un tour dans la R19. J'ai le stuff, la libido et dans le coffre, le litron. T'as un mec mort de rire, j'suis sûr qu'il trompe. En attendant, tu pompes, après tu m'ouvriras. J'suis un sale con, ouais, mais tu me saoules. Face au Zoula, histoire que j'peins à 100%. Eh, mais si je devais te noter, j'mettrais 5 sur 5. Face au Zoula, histoire que j'peins à 100%. Eh, mais si je devais te noter, j'mettrais 5 sur 5. Can you remember the times we spent together? À danser sur la piste, je me lance. Elle est lancée, me regarde et me dit que j'assure. Elle doit me kiffer, oui, ça c'est sûr. Tu tombes amoureuse d'un gars qui s'est dansé, lancé sur la piste avec tous ses pensées. Non-stop, pull-up, dieu du report. Compte pas sur moi pour appuyer sur stop. Pop, pop, on part tous en mode wolf, funk, façon hip-hop. Dis-moi si je me trompe, dis-moi si j'assure. J'adore les compliments et si c'est faux, je l'assume entièrement. Pop, pop, on part tous. En mode wall funk, façon hip-hop. Dis-moi si je me trompe, dis-moi si j'assure. J'adore les compliments. Et si c'est faux, je l'assume entièrement. Yo, c'est le day grey. C'est le old school. Funk, rap, t'aimes ça, hein?